Bonjour à tous, c'est Tibulus, le petit lutin du Père Noël, celui qui présente le podcast de l'Avent. Et en avant les histoires, parce que dans ce podcast, on vous en raconte plein, et notamment les histoires de bêtises. C'est le principe, chaque jour, une bêtise, et chaque jour, une occasion de rigoler. C'est pour ça que ce podcast, il me plaît de plus en plus. Et on est à la case 3, donc ça veut dire qu'on est le 3 décembre. J'aime bien ce 3 décembre. Ça y est, la période de Noël est vraiment démarrée. On le voit bien dans nos villes, il y a plein de lumières toutes jolies. Et en Laponie, dans le village du Père Noël, c'est magnifique. Il y a des guirlandes avec de belles couleurs. Là, les amis, l'esprit de Noël, eh ben, il est présent et il suffit d'ouvrir les yeux. Aujourd'hui, pour vous parler bêtises, eh ben, je ne suis pas tout seul. J'ai un ami. On est plein de lutins dans la fabrique de jouets du Père Noël. Et j'ai un petit ami lutin que j'aime beaucoup. Il s'appelle Matou et il avait fait une bêtise. Alors, je vous propose d'abord de l'accueillir. Bonjour Matou. Bonjour à tous. Je suis content de vous retrouver pour ce podcast. Nous aussi, on est très contents de te retrouver, Matou. En plus, je sais que toi, t'es très fort en bêtises, hein. Tu m'as souvent piégé. Mais là, cette fois, t'avais piégé le Père Noël. Tu peux raconter à nos amis ? Ah oui, des bêtises, j'en ai fait des tonnes. Mais celle que j'ai préférée, c'est celle que j'ai faite au Père Noël. Celle où j'avais utilisé plein de crayons feutres, un délai des villes. J'avais dessiné son nez en rouge et des étoiles un peu partout sur son visage. On avait bien rigolé. Mais t'as fait ça pendant qu'il dormait, Matou ? Oui, quand j'ai entendu qu'il ronflait, j'en ai profité et j'ai fait plein de dessins marrants sur son visage. Et est-ce que le Père Noël s'en est rendu compte le matin au réveil ? Non, pas du tout. Et ensuite, on a bien rigolé quand il a fait sa distribution de cadeaux. Non ! Tu as fait ça la veille de la distribution de cadeaux ? Oui, c'était le 23 décembre, juste avant qu'il aille faire sa tournée. Il avait fait une petite sieste. Et est-ce qu'il y a des gens qui l'ont vu partir avec le visage tout peinturluré ? J'en ai aucune idée, mais nous, les lutins, on avait bien ri. Eh ben oui, j'imagine que vous avez bien rigolé. Et la mère Noël aussi, elle a dû bien rire quand elle l'a vu rentrer, son Père Noël. Ouais, elle a tout de suite compris que c'était nous. Elle a bien rigolé, ça c'est sûr. C'est très esprit de Noël aussi, d'avoir plein de couleurs sur le visage. Ça marche bien. Merci beaucoup pour cette histoire. Et puis, là tu vas retourner peut-être un peu fabriquer des jouets. Ouais, je suis en pleine construction sur... D'ailleurs, on n'avait pas fini le cheval en bois, je dois le finir. Ah oui, le cheval en bois, les enfants, ils adorent ce jouet. Allez, nous les amis, on va se retrouver demain, puisque c'est le principe du podcast. Et Matou, tu peux me confirmer, il y a plein de lutins qui font plein d'autres bêtises et ils vont venir au micro nous en parler. On dit au revoir à nos amis. Au revoir, j'ai hâte de vous retrouver.